fait. Je respire le vent du large, ça me rend un peu barge. Je respire la gasoline de ma vieille berline. Je respire l'odeur des cigarettes, je joue ma vie à la roulette. Ça me rend aspire. Je respire ce monde si fragile qui me donne mauvaise mine. Je respire ce monde si difficile. J'ai besoin d'un blouse d'aspirine. Cette société avec l'envie de m'évader. Je respire l'odeur du fric qui manque tellement à l'Afrique. Je respire les vacances d'été. Chaque année c'est Saint-Tropez. Les embruns de la mer, ça me fait changer d'air. Je respire ce monde si fragile qui me donne mauvaise mine. Je respire ce monde si difficile, j'ai besoin d'attendre d'aspirer. Je respire ce monde.